Pour vous souhaiter un petit peu en avance un joyeux Noël. Vous êtes bien sur RIG, il est 20h passé de 1 minute. Join me on RIG. RIG. Paul, RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Mais c'est vrai, là j'étais dans les bouchons tout à l'heure, je me suis dit je vais pas arriver à l'heure. Et puis la magie de McCartney a opéré, on nous a ouvert la route tout simplement, on a dit c'est vous qui faites l'émission La Saga des Fab Four. Bah oui, ce que vous voulez. Ok, je vous fais passer. Et on a réussi à passer à travers les bouchons de Bordeaux. C'était très très bien. Merci aux gendarmes qui nous ont aidés à arriver jusqu'à Blanquefort. J'espère que vous allez bien. C'est la saga des Fab Four numéro je sais plus combien, parce que j'ai oublié de prendre la playlist, 435 je crois. Je pense que vous allez me le dire sur Facebook dans pas longtemps. Et nous allons faire le concert de McCartney que j'aimerais Pilfis même d'ailleurs, le 31 mai 2020 quand il viendra à Bordeaux. Donc l'idée c'est, on va lui envoyer le concert et certainement Paul McCartney va dire ah ouais, je vais faire ça. Donc vous allez pendant 2 heures écouter du Paul McCartney que j'aime, que vous aimez, et c'est un concert qu'on n'entendra probablement pas le 31 mai. En tout cas pas tout. Il y a une partie qu'on entendra, c'est sûr, mais pas tout. Et c'est dommage. Donc pas de déception d'avance, ce sera bien quand même. Mais oui, ce sera bien. Et on s'y retrouvera les enfants, ce sera extra. Retrouvez-nous sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Fort. Fab Fort, et non pas La Saga des Femmes Fortes, comme on m'a dit déjà il y a très très longtemps. Non, c'est La Saga des Fab Fort, les Fabulous Four, les Beatles tels qu'on les appelait dans les années 60 et qu'on les appelle encore. J'espère que vous allez bien, je suis Thierry Gallet et je vous accompagne jusqu'à 22h02. En principe, j'ai toujours 2 minutes de retard. Et après, vous écouterez Eric et son extraordinaire Johnny de A à Z. On se retrouve dans quelques instants, c'est parti. Imaginez, vous êtes dans le stade et vous entendez ceci. C'est Opening Station, extrait du nouvel album de Paul. Et quelle va être la première chanson de Paul McCartney en ouverture ? Je pense que la plupart des fans vont dire, ou va dire, que ça doit être « So glad to see you here », ce serait la meilleure chanson. Attendons un peu, on va le savoir. « So glad to see you here » pour démarrer le concert. C'est Paul McCartney sur RG. son habitude, Paul McCartney, au début du concert, met le paquet, il dira bonjour tout à l'heure probablement. Vous êtes sur RIG 90.7, on fait un concert tel qu'on aimerait l'entendre. Paul McCartney sur RIG. So glad to see you here, beware my love. Le concert commence drôlement bien. And I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you.

life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you're only waiting for this moment to be free. You're only waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free. La saga des Fab Four numéro 435 est consacrée à Paul McCartney au concert que j'aimerais entendre le 31 mai 2020. Mais de toute façon, j'irai au concert, même si on n'entend pas exactement les mêmes chansons. Ça pourrait être bien quand même et on s'y retrouvera là-bas. Là, c'était Blackbird, évidemment, sur RG. Venus and Mars, Rock Show Jet, à la suite. Un pur bonheur en live sur RG. Sitting in the stand of the sports arena, waiting for the show to begin. Red lights, green lights, strawberry wine. Good friend of mine follows the stars. Venus and Mars are all right tonight. We'll be right back. city. Oh, Beatles Rock Show Jet en concert par Paul McCartney. C'est la dernière saga de l'année 2019. Donc je me fais un petit plaisir, un concert de McCartney. Est-ce que vous vous sentez bien ? Tout va bien ? Oui. Merci Paul, tout va bien. Je vous propose une chanson des Beatles. Une chanson des Beatles qui va vous ramener un petit peu de soleil. Et je vous laisse deviner parce que là, c'est extrait de quelque chose de rare, on va dire. Paul qui profite des applaudissements, qui se fait un réel plaisir parce qu'il y a du monde à Bordeaux pour acclamer Paul. Et puis, il nous dit « Enfin, je voudrais vous interpréter en français, hein, s'il vous plaît, un titre de mon dernier album. » Et même, ça n'est pas sur l'album, c'est un inédit. Ça s'appelle « Home Tonight » en live. I'm taking you home tonight. I wanna make sure that you're all right. Looks like a taking you home. Tonight I wanna make sure that you're alright. Well, the taking you home. Clapton sur scène pour rendre hommage à George Harrison. While My Guitar Gently Weeps sur RIG dans la saga des Fab Four. Steal my de la scène, toujours pour rendre hommage à George Harrison, mais aussi à John Lennon, on voit John et George ensemble, et ce titre, Free as a Bird, en concert sur RIG. Sur RIG 90.7. Ce soir, c'est vraiment la radio du Beatles, la radio de Paul McCartney, la Staga du Fab Four. C'est le concert que j'aimerais entendre de Paul McCartney. Voici Let It Be sur RIG. We'll find myself in time for trouble. Standing right in front of me. Paul McCartney remercie tout le monde, bien évidemment. Et puis dit, j'ai envie de vous proposer un autre titre de mon nouvel album, Egypt Station. Despite repeated warnings of dangers up ahead, the captain won't be listening to what's been said. He feels that there's a good chance that we have been misled. And so the captain's planning to steer ahead. What can we do? What can we do? What can we do to stop this foolish plan? Keys and lock him up. If we can do it, C'est le moment que je n'aime pas du concert. Celui, vous savez, sur lequel il y a des effets pyrotechniques. Voici Live and Let Die sur RG dans la saga des Fab Four. Profitez. Say live and let die. We'll be right back. 90.7, la radio des Beatles, c'est la saga des Fab Four, la saga de Paul McCartney. Queenie Eye. This is based on a street game when I was a kid. Somebody used to stand out front, turn his back to us, and we would all go, Queenie Eye, Queenie Eye, who's got the ball? I haven't got it. It isn't in my pocket. O-U-T spells out. You see? And it stuck with me. Here it is. 2. fresh when you've never been before. I was nervous, but I didn't. Now I'm going back for more. Queenie Island. Yeah. un peu plus de 30 minutes, ce sera de Johnny de A à Z avec Eric. Pour l'instant, la suite de la saga du Fab Four, Paul McCartney, sur RIG. This time we're going to, really going to raise it to the sky. People are ready to forgive a few mistakes, but let's get started, form a party. Don't you know how long it takes? to get it right this time. s'approche très doucement de la fin du concert déjà. Qu'est-ce que ça passe vite. À votre avis, Paul McCartney nous réserve quoi pour la fin de ce concert? J'ai une petite idée. La chanson suivante va vous demander une participation. Vous la connaissez tous et toutes. Ça commence, ça chante un petit peu, bah comme ça là, écoutez. sky. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep, little darling, do not cry. heures comme ça, quand même, ce serait fantastique. Merci d'avoir écouté ce concert. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Passez de très très bonnes fêtes et je vous laisse entre les meilleures mains du monde, celle d'Eric pour Johnny de A à Z. À très bientôt. Salut, ciao. We'll be right back.